Hey yo, balance-moi une grosse prod, mon frère, je vais faire du rap street là. Ok. En réponse, tsek, j'ai la rime, tsek, je vais tout défoncer, tsek, tsek. NA22, je veux du rap street, street. Pas de soucis, mon gars, je t'en donne en kilo, kilogramme. Hola, hola, où sont mes amis les rappeurs? NA2 kicker, ne rime up avec frayeur. Kick ça, jusqu'à pas d'heure. Tu me menaces ta gueule, j'ai même pas peur. J'ai le dernier taser, ta sœur, qui est sur Justin Bieber. Film d'horreur, ta rondeur. J'suis gentil, à tout le monde j'passe mon number. Va te faire en culo, rien à foutre tes faveurs. Kick est sale, c'est une énigme ou une faveur. Me sauter le pire en devenir le meilleur. J'ai fumé le plan A, il passe au plan C. Paniqué cette année, on t'est sorti quelque chose de sensé. C'est que j'lâche ça nos frères, j'résume. Tu vas arrêter de kicker après A, j'présume. Les rimes ne meurent pas, on les exhume. Après ça, même ta sœur ne t'assume. C'est que les rappeurs parlent beaucoup. J'ai la corde de l'huissier pendu à mon cou. J'ai l'avenir et t'as mauvais goût. Non, imite pas, tu n'es pas comme nous. C'est que les rappeurs parlent beaucoup. J'ai la corde de l'huissier pendu à mon cou. J'ai l'avenir et t'as mauvais goût. Non, imite pas, tu n'es pas comme nous. Je reprendrai le métro, il va pleuvoir des météores. Dans ma sacoche, trop de 16, nique leur mentor. Laisse-toi faire, j'ai la main douce. À la fin, ils sont tous ouf, auront la tête d'une mangouste. Cherche, cherche pas la vérité, on ment tous. J'pourrais gérer tout ce qui bouge à part une rousse. Les rappeurs somnolent dans un rêve bleu. Entre eux, l'amertume a pris un creux. Les rappeurs sont aigris, deviennent épreux. Altercation, les rackers crient sur évreux. Avance texte, t'as fait un vœu. Tu ne verras jamais Nas avec une teinte joie de peu. J'meurs prier des ta ta ta ta ta ta. Comme TG ta ta ta ta ta ta ta. Nique ta ta ta ta ta ta. J'me fais ta ta ta. Et j'me barre Nel. C'est que les rappeurs parlent beaucoup. J'ai la corde de l'huissier pendu à mon cou. J'ai l'avenir et t'as mauvais goût. Non, imite pas, tu n'es pas comme nous. C'est que les rappeurs parlent beaucoup. J'ai la corde de l'huissier pendu à mon cou. J'ai l'avenir et t'as mauvais coup. Non, imite pas, tu n'es pas comme nous. J'ai la manière, inséparable comme la clé VR. Tu veux tester LOL MDR, mais il est PTDR. J'rappe sans lacune, nique vos rap cul. On confond pas Asloum à Hercule. Les rappeurs kick, veulent de l'ammonie. Doha, mais kiffe la sodomie. Tel qui pourrait m'arriver à la cheville. On confond pas le lièvre et la chenille. Petit mélange, y'a pas de chocolat ni de vanille. Mon frère c'est l'infirme, t'as une petite mine. J'rappe le pied posé sur une mine. Pourquoi miser sur un rappeur à un centime? J'ai la rime qui vaut de l'or, celle qui ratatine. Je sens la haine, sève, yeux dans le cesse. J'ai la rime du futur, poids. Elle a deux cesses. C'est que les rappeurs parlent beaucoup. J'ai la corde de l'huissier pendu à mon cou. J'ai l'avenir et t'as mauvais goût. Non, imite pas, tu n'es pas comme nous. C'est que les rappeurs parlent beaucoup. J'ai la corde de l'huissier pendu à mon cou. J'ai l'avenir et t'as mauvais goût. Non, imite pas, tu n'es pas comme nous. Continue à soutenir ma petite gueule. On arrive lourd. 48 City. NA2S. Blah.